La Force Mystérieuse. Livre audio gratuit, un roman de Joseph-Henri Rony Aîné. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.common. Avertissement. Le 11 mars 1913, un ami américain m'adressait le billet suivant. Avez-vous cédé à un écrivain anglais, et des plus célèbres, le droit de refaire votre roman, qui paraît actuellement dans le Setou? Lui avez-vous donné le droit de prendre la thèse et les détails, comme le trouble des lignes du spectre, l'excitation des populations, les discussions sur une anomalie possible de l'éther, l'empoisonnement de l'humanité, tout? Le célèbre écrivain anglais publie cela en ce moment, sans vous nommer, sans aucune référence à Rony Aîné, en plaçant la scène en Angleterre. À la suite de cette lettre, je parcourus le numéro du stand magazine, où mon confrère britannique, M. Conan Doyle, commençait la publication d'un roman intitulé « The Poison Belt ». Effectivement, il y avait entre le thème de son récit et le thème du mien des coïncidences fâcheuses, entre autres le trouble de la lumière, les phases d'exaltation et de dépression des hommes, etc. Coïncidences qui apparaîtront clairement à tout lecteur des deux œuvres. J'avoue que je ne pus, vu l'extrême particularité de la thèse, réfréner quelques soupçons, d'autant plus qu'en Angleterre, il arrive assez fréquemment que des écrivains achètent une idée, qu'ils exploitent ensuite à leur guise. Quelqu'un avait pu proposer mon sujet à M. Conan Doyle. Certes, une coïncidence est toujours possible, et pour mon compte, je suis enclin à une large confiance. Aussi, j'ai toujours été persuadé que Wells n'avait pas lu mes Xipéus, ma légende sceptique, mon cataclysme, qui parurent bien avant ces beaux récits. C'est qu'il y a dans Wells je ne sais quel sceau personnel qui manque à M. Conan Doyle. N'importe, mon but n'est pas de réclamer. Je tiens pour possible une rencontre d'idées en M. Conan Doyle et moi, mais comme je sais par une expérience déjà longue qu'on est souvent accusé de suivre ceux qui vous suivent, j'estime utile de prendre date et de faire remarquer que Je sais tout avait fait paraître les deux premières parties de La Force Mystérieuse quand The Poison Belt commença à paraître dans le Strand Magazine.